السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن نواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا في التعليق على المسائل التي ذكره الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. Donc nous continuons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala la lecture de notre épître concernant les sujets sur lesquels qui étaient présents à l'époque de Al-Jahiliyyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire ou réformer. Donc les sujets, les actes ou paroles sur lesquels était Ahlul Jahiliyyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire ou réformer sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après avoir lu dans le cours dernier le premier point et le plus important, qui est le shirk et le fait de savoir que Ahlul Jahiliyyah, les gens du Al-Jahiliyyah de la période pré-islamique, avaient pour voie, avaient pour religion le fait de chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le shirk, par l'association. Cela en lui associant des serviteurs pieux dans l'adoration, que ce soit ou bien autre. En lui associant dans l'adoration, entre autres, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala as-salihin, donc les serviteurs pieux, ou al-awliya, les alliés. Que cela soit parmi al-arab, yani arab al-mushrikin, qui était divisé dans les manières d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs, les chrétiens ou autres. Et à partir de cela, donc, nous voyons que toutes les sectes qui vont s'affilier à l'islam et qui vont cautionner le shirk, ou le fait de diriger des actes d'adoration vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vers les pieux, ou vers les awliya, ou autres. Alors, cela, en plus d'avoir accompli le shirk al-akbar, qui est l'acte le plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, ils auront aussi, dans cela, fait preuve de ressemblance et emprunté la voie sur laquelle était Ahlul Jahiliyyah, Ahlul Jahl, la voie qui est basée sur l'ignorance et sur l'absence de révélation divine. Et donc l'auteur par la suite, rahimahullah, nous cite deux autres mas'ala, deux autres sujets qui ont un lien étroit et qui auront eux aussi un lien avec le premier sujet. Donc on aura trois sujets qui en réalité se réunissent, comme l'auteur va le citer, rahimahullah. Donc on a le premier qui est le shirk, puis on a ce deuxième sujet que l'auteur nous cite ici, rahimahullah, qui est le fait de savoir que les gens de Al-Jahiliyyah étaient divisés dans leur religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet, d'après l'essence du verset. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Surat al-Mu'minun, les croyants, verset 53. Et le fait de savoir qu'ils étaient aussi, donc Ahlul Jahiliyyah, divisés dans leur vie mondaine, et qu'ils considéraient que cela était une voie juste, correcte. Et donc, l'islam est venu avec l'ordre de se réunir dans la religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé, donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons révélé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Surat Ash-Shura, la consultation, verset numéro 13. Idan, shara'a lakum min ad-din. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh et ce que nous t'avons révélé, donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Et ce que nous avons révélé à Ibrahim, à Musa et à Isa. Donc le fait d'établir la religion et de ne pas en faire un sujet de division. Et Allah a aussi dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n'es en rien dès lors. Surat Al-An'am, verset numéro 159. Idan, par la suite, le fait de savoir donc que l'islam, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de leur ressembler dans cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'après l'essence du verset, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ceux qui ont divergé après que l'épreuve leur soit parvenue. Et il nous a aussi interdit de nous diviser dans la vie mondaine. Comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset numéro 103. Donc ici, dans ces points cités par l'auteur, rahimahullah, le fait de savoir que Ahlul Jahiliyyah était divisé tant dans leur religion que dans leur vie mondaine. Dans leur religion, premièrement, comme nous le savons, comme cité par rapport au shirk qu'ils faisaient, car chacun d'entre eux avait une divinité différente des autres, que ce soit parmi Al-Arab, Al-Yahoud ou Al-Nasara. Min Al-Arab, certains adoraient des statues, certains adoraient Al-Malaika, des anges, certains adoraient Al-Shams ou Al-Qamar, le soleil et la lune, certains parmi les juifs adoraient Al-Uzayr, certains parmi Al-Nasara, parmi les chrétiens, adoraient Isa ibn Maryam, ila akhirihi, ainsi de suite. Donc chacun avait une manière particulière de pratiquer sa religion. Et l'islam donc est venu tous les réunir sur une seule et même voie, qui est celle de tous les messagers qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme nous savons, la voie du tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qui a été cité précédemment, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nour et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons révélé à Ibrahim, à Moussa et à Isa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc ici, le fait de se réunir sur le tawhid. Et donc, cette voie, qui est la voie sans laquelle les gens ne pourront se réunir. Car sur le tawhid, qui est la base de la religion, l'union ne peut être faite dans ce qui suit, dans ce qui est autre comme acte de la religion. Et ce point qui est le tawhid est le point sans lequel les gens ne peuvent non plus se réunir dans leur vie mondaine. Si le tawhid n'est pas la base qui les réunit. Et donc, Ahlul Jahiliya, eux à l'inverse, voyaient un honneur dans cela. Un honneur dans le fait de se diviser. Car cela montre une forme de force et que chacun peut se passer de l'autre. Et que chacun peut se suffire de ce qu'il a et de ce qu'il détient. Et donc, il n'y a aucun doute que cela va à l'encontre de la soumission réelle à Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de concrétiser la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va à l'encontre de la concrétisation du tawhid. Mais, donc cela fait plutôt partie des actes des partisans du shirk. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin du verset qui a été cité, où Allah ordonne d'établir la religion sur le tawhid, il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, « Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. » Ce à quoi tu appelles, donc qui est le tawhid, le fait de se réunir, les associateurs leur paraît énorme. Donc nous comprenons de cela que la base de la réforme et de l'union dans la religion est par le fait de concrétiser le tawhid. Et que donc toute personne qui appelle à la division dans la religion, donc alors en plus d'avoir accompli un acte interdit, il nous appelle à adorer, il nous appelle à adopter et à ressembler dans cet acte aux gens de la jahiliya. Donc toute personne qui va appeler à la désunion, cela montre qu'il y aura un manquement dans sa concrétisation du tawhid. Car les mushrikoun sont ceux qui ont du mal, ceux qui trouvent énorme et difficile le fait de se réunir sur la religion. Et à l'inverse, donc si le tawhid est concrétisé, alors cela sera une forme, cela sera une cause de réforme, et cela sera la chose qui va réunir et qui va faire que tous les croyants seront sur une seule et même voie. Donc, ici, l'union dans la religion fait partie de ce avec quoi est venu l'islam. Et la désunion dans la religion fait partie des actes de Ahlul Jahiliyyah. Donc toute personne qui appelle à se désunir dans la religion, que ce soit dans les fondements de la religion, dans le tawhid ou autre, alors cette personne-là prend dans cela exemple et suit la voie de Ahlul Jahiliyyah. Ensuite, ici, concernant l'union dans la religion, il y a un point qui est important à comprendre. Ce point est le fait de ne pas confondre entre le fait d'appeler à l'union dans la religion et le fait de délaisser, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Car certains peuvent s'imaginer qu'étant donné qu'il nous est ordonné de se réunir dans la religion, et peuvent penser que le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable est une des choses qui fait que les musulmans se divisent. Car on voit que lorsque certains musulmans appellent d'autres musulmans à s'accrocher au tawhid, à s'accrocher à la sunna, à s'accrocher à la voie des salafs, alors cela se divise. Donc le fait d'appeler et d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une cause de division. Donc on doit le délaisser pour s'unir. Alors c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une ambiguïté. Car la réalité est l'inverse. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une cause de l'union. Car comme cité, l'union doit se faire sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'simu bihablillahi jami'a. Donc, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Donc l'union doit se faire sur la religion d'Allah. Et cela ne peut se faire s'il n'y a pas d'ordre du bien et le fait d'interdire le blâmable. Donc le fait d'ordonner le bien est une cause pour que les gens soient réunis sur la vérité. Si malgré cela, ou bien si après qu'on ait ordonné le bien, ou bien qu'on ait interdit le mal, certaines personnes se divisent et délaissent notre voie, alors il faut savoir que ce sont eux qui ont été une cause de division, et ce sont eux qui s'exposent au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'ordre du bien et le fait d'interdire le mal fait partie des causes qui vont mener à l'union et au fait de se réunir sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui délaisse cela, en prétendant que cela va amener à l'union, aura fait une erreur et n'aura pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et nous voyons que après le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de se cramponner au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques versets après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Donc le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le mal ou ce qui est blâmable, n'est aucunement une chose qui va à l'encontre de l'union dans la religion. Mais au contraire, cela fait partie des choses qui vont permettre aux musulmans de se réunir et d'être sur une seule et même voie. Donc, l'union dans la religion est une chose obligatoire, qu'elle soit dans les fondements de la religion ou autre. Et cela est un des points par lesquels se démarquent les gens de l'islam de Ahlul Jahiliya, qui étaient mutafarriqina fi dinihim, qui étaient divisés dans leur religion. Et cette union donc ne peut se faire qu'à travers l'appel au tawhid et qu'à travers la concrétisation du tawhid. Et l'auteur, rahimahullah, donc, a aussi cité que Ahlul Jahiliya étaient divisés dans leur vie mondaine. Donc leur division dans la religion a été citée. Leur division dans la vie mondaine, elle se traduit par le fait qu'ils n'étaient pas réunis dans l'obéissance à leur gouverneur et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux. Mais Ahlul Jahiliya étaient divisés dans leurs adorations et aussi divisés dans l'obéissance qu'ils donnaient à leurs chefs ou à leurs partisans ou autres. Donc ils n'étaient aucunement réunis sous l'obéissance d'un seul et même gouverneur. Donc eux, ils ont réuni entre le fait de se diviser dans les adorations, dans la religion, et aussi le fait de se diviser dans leur vie mondaine par le fait de ne pas avoir de soumission à un seul et même gouverneur. Voilà pourquoi l'auteur, rahimahullah, nous dit à leur sujet, parmi les sujets sur lesquels ils étaient, le fait que Ahlul Jahiliya considérait que le fait de contredire la personne qui les gouverne, donc leur gouverneur, et de ne pas se soumettre à son ordre, est une chose méritoire. Et que l'écoute et l'obéissance au gouverneur est une humiliation et un avilissement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les contredire dans cela. Et il a ordonné sallallahu alayhi wa sallam de patienter et d'endurer face à l'injustice des gouverneurs. Et il a ordonné sallallahu alayhi wa sallam de les écouter, de leur obéir et de leur donner conseil. Et il a sallallahu alayhi wa sallam fortement insisté sur cela et il a répété à maintes reprises. Donc ici, ce point donc, consiste à savoir que Ahlul Jahiliya vivait dans le désordre. Ils ne considéraient le droit à l'écoute et à l'obéissance pour aucun gouverneur. Car pour eux, cela revenait à une forme de rabaissement ou humiliation. Ils considéraient que ce gouverneur est comme chacun d'entre nous. Donc pourquoi se soumettre à lui? Et une chose que nous voyons malheureusement répandue chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, le fait de penser que le fait de se révolter face au gouverneur et d'avoir de la haine contre le gouverneur, d'avoir une position dure face au gouverneur, fait partie d'une chose qui est méritoire. Et à l'inverse, celui qui se soumet au gouverneur, qui reconnaît son droit, qui fait des invocations pour lui, alors celui-là se rabaisse et s'humilie. Ceci est la chose vers laquelle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'inverse, le fait de vouloir se révolter et de constamment contredire le gouverneur fait partie des actes de Ahl al-Jahiliya, comme cité, donc qui se base sur de l'ignorance et un suivi des passions, et qui ne se base aucunement sur une révélation. Et donc, il faut savoir que les premiers à avoir contredit ce fondement-là parmi les sectes qui vont s'affilier à l'islam sont Al-Khawarij, qui ne voient pas l'obéissance aux gouverneurs musulmans, car ils vont, avant cela, taxer ces gouverneurs de mécréants. Et donc, en faisant cela, en plus d'avoir obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont certes pris exemple sur Ahl al-Jahiliya. Et donc, ceux qui font cela, en plus d'être une cause de division, ils auront contredit l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam qui, dans de nombreux ahadiths, a ordonné l'écoute ou l'obéissance au gouverneur parmi les musulmans. Cela, même s'ils sont injustes. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Isma' wa ati', écoute et obéis, même s'il frappe ton dos ou prend ton argent. » Car le but ici n'est pas de cautionner ce que ce gouverneur fait, mais de préserver l'union. Car comme il a été dit, il n'y a pas d'union sans gouverneur. Et il n'y a pas de gouverneur sans écoute et obéissance. Donc le fait d'obéir au gouverneur dans ce qui n'est pas interdit et de patienter face au mal qu'il peut faire ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'il fait comme chose interdite. Non. Mais le but, comme cité, est de préserver l'union des musulmans. Car sans gouverneur, le désordre se répand. Sans gouverneur, on revient à la période de Al-Jahiliya, où chacun fait ce qu'il veut. Où en une journée, il pouvait y avoir plusieurs gouverneurs destitués et d'autres prendre leur place. Donc c'est un désordre. Et cela affaiblit les musulmans. Cela est une cause de baisse, qui fait en sorte que la force des musulmans baisse, qui fait en sorte que la religion des musulmans baisse, qui fait en sorte que les musulmans ne puissent pas pratiquer leur religion. Donc tout cela, en plus d'être une chose qui va à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui fait partie des actes de Ahl al-Jahiliya. Donc le musulman doit obligatoirement savoir que l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman, lorsqu'il n'est pas interdit, fait partie des fondements de la religion et des points qui lui sont obligatoires. Et ici, en l'occurrence, il doit savoir que son inverse, le fait de se révolter contre les gouverneurs, le fait de contredire les gouverneurs, le fait de considérer que l'écoute et l'obéissance au gouverneur est un acte qui va rabaisser le serviteur et par lequel il va s'humilier, fait partie des actes de Ahl al-Jahiliya que l'islam est venu réfuter et est venu contredire. Taïb. Quant au fait de dire que les gouverneurs sont désobéissants, les gouverneurs font des fautes, les gouverneurs font des péchés, les gouverneurs font et font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela dans plusieurs ahadiths. Entre autres, dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité à ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ. Il y aura certes parmi vous des gouverneurs dont vous reconnaîtrez certains de leurs actes, et donc certains actes seront pour vous du monde, car certains actes que vous allez renier parmi leurs actes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِي وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَعَبَ. Celui qui blâme cela et qui n'est pas d'accord avec cela sera certes préservé, Quant à celui qui est agréé et qui suit, donc celui-là est sous la menace du châtiment. Ici, le fait de renier cela a été expliqué par d'autres hadiths. Ça ne veut pas dire de l'insulter, de parler au mal de lui dans les assises, de se révolter contre lui. Là, le fait de le renier dans son cœur, et si jamais on a l'occasion, on a les moyens de venir à lui, de le conseiller et de lui ordonner ce qu'il doit faire. Et si jamais il accepte, alors on aura fait ce qu'il est obligatoire. Si jamais il refuse, alors on aura accompli l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous ne serons pas blâmés pour cela. Les compagnons ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Afala nuqatiluhum » Ne pouvons-nous pas les combattre dans ce cas-là, vu que nous voyons des choses qui sont blâmables? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « La ma sallahu » Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Dans notre version, « La ma aqamu fikum as-salah » Donc tant que ce gouverneur accomplit la prière. Dans notre version, « Illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan » Sauf si on voit un acte de mécréance qui est clair, qui ne porte aucune ambiguïté, pour lequel on aura auprès d'Allah, yawm al-qiyama, une preuve claire. Amma, tant que ce gouverneur fait la prière, tant que ce gouverneur se dit musulman, accomplit l'acte des musulmans, alors le musulman, il est obligatoire pour le musulman de l'écouter, de lui obéir, dans le but de l'union des musulmans, et cela ne veut aucunement dire qu'il cautionne et qu'il est d'accord avec les actes qu'il fait, qui sont contraires à l'islam. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit « وَهَذِهِ الثَّلَاثُ هِيَ الَّتِي جَمَعَ بَيْنَهَا فِيمَا صَحَّ عَنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ » Et donc ces trois points, ces trois masaïl qui ont été cités. La première qui est le fait de délaisser le shirk et de concrétiser le tawhid. La deuxième qui est le fait de se réunir dans la religion et de délaisser les formes de division. La troisième qui est le fait de se réunir dans l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. Ont tous les trois étaient réunis dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par l'imam al-Bukhari et muslim qui a dit sallallahu alayhi wa sallam « Inna Allah yarda lakum thalathan » Certes, Allah agrée pour vous trois choses. La première « An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a » Que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien. La deuxième « Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku » Que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Donc ici la deuxième masala qui est le fait de se réunir dans la religion. La troisième, wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Le fait de porter conseil à celui dont Allah a mis à notre tête, donc notre gouverneur. Puis il nous dit rahimahullah, wa lam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bi sabab al ikhlal bi hadhihi thalath aw ba'daha. Et aucun manquement n'est arrivé dans la religion des gens ou leur vie mondaine, si ce n'est à cause du fait d'avoir délaissé, d'avoir négligé ces trois choses ou une de ces trois choses-là. Donc celui qui médite sur ce hadith immense voit le fiqh du cheikh al-imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah quant au fait d'avoir cité ces trois masaïl à la suite, car ils ont un lien. Car par ces trois points-là, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala, les musulmans voient leurs affaires religieuses et mondaines réformées. Premièrement par le fait de concrétiser le tawhid. Deuxièmement par le fait de concrétiser l'union dans la religion. Cela ne peut se faire que par le tawhid. Par le fait d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable. Par le fait d'apprendre la religion pour pouvoir la propager par la suite. Le troisième point, par le fait de se réunir dans l'écoute et l'obéissance au gouverneur. À travers ça, on comprend pourquoi de nos jours, un combat immense est fait pour pousser les musulmans à tomber dans l'inverse de ces trois points-là. Pour pousser les musulmans à tomber dans le shirk. Pour pousser les musulmans à se diviser dans la religion par différents moyens. Pour pousser les musulmans à se rebeller contre leur gouverneur. Car mal asaf, le musulman qui n'apprend pas ces masaïl al-jahiliya, qui n'apprend pas ces choses qui vont contredire l'islam, lui peut tomber dedans. Mais à l'inverse, les koufars ou autres, ou ceux qui sont ennemis de l'islam, étudient ces points-là pour pouvoir les répandre chez les musulmans. Et si le musulman ne connaît pas ces points-là, alors il y tombe. Alors il tombe dans ces points-là. Alors que ce sont des points qui sont des fondements de la religion et des points qui sont très simples. Il faut savoir que l'auteur, rahimahullah, a écrit ce livre-là il y a des siècles. Et ces points ont été cités il y a des siècles. Mais de nos jours, on les voit et on voit que des musulmans tombent dans cela alors que ce sont des choses qui sont très simples à comprendre. Le fait de se réunir dans l'obéissance et l'écoute au gouverneur, qui est une cause de réforme, une cause qui permet d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui avant ça, qui est une obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné cela. Donc de savoir que lorsque le musulman fait cela, alors à travers cela, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il concrétise sa soumission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il prend garde à toute personne qui appelle à autre que cela. Toute personne qui appelle à se rebeller contre le gouverneur, qui appelle à avoir de la haine et de la rancœur envers le gouverneur, même s'il se fait passer pour un bon conseiller. لَنَّ هَذَا مِنْ تُلُقِ الشَّيْطَانِ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre hadith que toute personne qui a un conseil à donner à son gouverneur, qu'il ne le dise pas en public, mais qu'il le prenne par la main et qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire. Si jamais ce gouverneur accepte, c'est une bonne chose. Si jamais il n'accepte pas, alors ce musulman aura accompli ce qui lui incombe. Ce qui veut dire qu'après cela, il n'a aucun blâme. Il n'a aucun blâme. Donc, ça c'est pour celui qui peut atteindre le gouverneur et qui peut le conseiller. Taïb, celui qui ne peut pas l'atteindre, yasbir, yad'u lahu. Il patiente, il invoque pour ce gouverneur, il invoque pour les musulmans. Mais en aucun cas, il prend la voie qui est celle des Khawarij, qui est une voie comme citée, qui va à l'encontre de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est aussi une voie de Ahlul Jahiliyyah. Donc en faisant cela, il fait partie de ceux qui appellent et qui œuvrent parmi les actes de Ahlul Jahiliyyah. Et hier, nous avons cité le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cité que les personnes qui sont les plus détestées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de trois, et parmi eux, une personne qui cherche à faire revivre, à accomplir des actes de la Jahiliyyah dans l'islam. Hada wallahu a'lam. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la religion, de nous préserver des ambiguïtés et de nous raffermir sur la voie droite jusqu'à sa rencontre subhanahu wa ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.